j'écris de la main gauche. Au mic, je mets la gouache. Mon cœur à ma famille gravé, je me sens mal parce que je me gâche. Khras, tout ça c'est fini. Je veux revenir en arrière en flashback, un peu comme Kennedy. Contrairement à d'autres, j'aurais des choses à changer si je pourrais revenir dans le passé. Hey, tu veux que je te raconte? Revenons au primaire, à la cour de récré. Cette époque était sans regret, je voudrais rien y changer. À part les notes marquées sur le bulletin, le daron me mettait des claques, me disait maintenant réveille-toi, putain. Les pogs et les billes étaient à la mode, mon pote. Les filles on les esquivait, je me rappelle à cette époque. Au menu, le port était barré de la liste. Je voulais grandir vite, vite, qu'est-ce tu veux que je te dise? Pas responsable du CP au CM2. Les conneries, on en faisait pas de punition à cette période. Merci mon Dieu. Merci. Aujourd'hui, j'ai 10 piges, je passe en 6ème. Je fais la rencontre de Mehdi. Aujourd'hui, c'est comme mon frère. On apprend à se connaître, on a des points en commun. Il habite en face de chez moi, c'est sûr qu'ensemble, on n'était pas des saints. C'est lui qui me parle un peu de la religion, du tout puissant. Il me dit qu'on descend bien d'Ève et d'Adam. De 11 à 15 piges, je me renseigne encore. Pas tout à fait responsable, mais je prends un bon chemin. Malheureusement, cela ne dure pas. Shaitan s'empare de moi, star format. Dans ma foi, ma life est inarrêtable. Le bien ou le mal, le bien ou le mal, le bien ou le mal, le bien ou le mal. Sans hésiter, j'ai toujours opté pour les bonnes choses. Suivre le droit chemin, je fume pas, je vois pas. Hamdoulilah. Mais cela ne fait pas tout, car à cet âge, ce que j'esquivais auparavant, je m'en suis rapproché vivement. Certains m'ont dit c'est normal, d'autres m'ont dit c'est la tentation. Attention, ne tombe pas, ne tombe pas. Sur ça, dégoûté de le dire, j'ai fait une chute phénoménale. Je me cache pas, je lâche tout, je vide mon sac. Un matin en me réveillant, je me regarde dans le miroir et je me questionne. Je me dis pourquoi tout ça? La vie, la mort, le shit, la sigle, les filles, la guerre, la trahison, le mal, putain, quel carnage. Et je me pose une deuxième question. Pourquoi tout ça? À quel prix? Pour quelle vie? Au final, qu'est-ce qu'on y gagne? Trop de questions et si peu de réponses. Je me suis mis à écrire à une époque où le rap commençait à s'agrandir. Et je me suis dit pourquoi pas derrière ce micro. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Lâche vraiment tout vite et trip. Et parti de là, j'ai commencé à rapper. Je lâchais tout ce qui me passait par la tête derrière ce truc qu'on appelle le mic. Alors je me suis investi à 300%. J'ai lâché des dollars, j'évolue avec l'âge. 4 ans maintenant que je suis là, je cache ma rage dehors. Je lâche tout au microphone. Je gratte la feuille et sur le beat, je défouraille. Toujours quelques mesures pour les rails. Et ouais, parce que faut prendre en compte que je rappe pour faire passer un message et pour mes frères. Dans la street, j'ouvre les yeux et je vois ce qui se passe. Ici, pas de blabla, ce que je dis, c'est sûr que c'est pas la vie de rêve. Je suis à fond et en forme. Au fait, je t'informe au cas où tu le savais pas. Moi, c'est son île philosophe. Je te répète, je suis à fond et en forme. Je t'informe au cas où tu le savais pas. Moi, c'est son île philosophe. Yeah, yeah. C'est son île philosophe. Ma génération, génération 90. Je t'informe, au cas où tu ne savais pas, moi c'est Sony le philosophe. En attendant que le soleil s'élève, écoute bien ça frère, sœur, ça vient de Marseille.